réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse. Suite à la publication de la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, la réduction d'impôt de 30 ou 50% en faveur des particuliers souscrivant au capital d'entreprises de presse vient de voir son montant maximal quintuplé. Il est désormais à 10 000 euros. Et son champ d'application étendu depuis le 16 novembre 2016.